Wiman. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de cette soirée du 16 juin 2019. Voici la charpente. La permanence du parti CNL en commune Niabiraba a été brûlée la nuit dernière. Son inauguration qui était prévue ce dimanche n'a pas eu lieu. Le président de ce parti, le Congrès national pour la liberté, Agathon Rwasa, qui s'est rendu sur les lieux cet après-midi, réclame justice. Et à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme déplore la persistance de certaines pratiques mettant en cause le droit des enfants au Burundi. Et aucun cas d'Ebola n'est à signaler au Burundi, comme confirmé par le ministre de la Santé, qui demande à la population burundaise de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. Et l'Université du Burundi occupe la première place au terme d'une compétition nationale d'athlétisme interuniversitaire qui se tenait ce week-end en Ngozi. Les premiers coureurs devraient participer à une compétition régionale qui se déroulera en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. La permanence du parti CNL en commune Niabiraba de la province Bujumbura, qui devait être officiellement inaugurée ce dimanche, a été brûlée par des inconnus la nuit de ce samedi. La première tentative avait eu lieu mercredi de cette semaine, selon nos sources. L'administrateur de cette commune confirme l'information et dit que des enquêtes ont commencé pour déterminer les auteurs de ce forfait. On écoute Ferdinand Simbananiye, joint au téléphone par Aimé Richard Niyonguru. C'était aux environs de 23 heures où j'ai reçu des coups de téléphone. Déjà qu'il y a des gens qui montent sur des motos et qui vont derrière cette permanence. J'ai essayé de communiquer à la police de pouvoir intervenir pour s'inquiéter de la situation. Et la police est allée sur les lieux et a vu des personnes issues de différentes communes qui étaient rassemblées en ce lieu. Et alors la police les a interrogées pour pouvoir identifier ces personnes-là. Après avoir un petit moment après avoir quitté ce lieu, c'est là que la police a entendu de l'explosion et la police est très vite retournée sur le lieu pour pouvoir intervenir. C'était du feu donc dans sa permanence et la police a essayé d'éteindre sauf avec aussi la population environnante. Mais c'est surtout la police qui a intervenu puisque c'était pendant la nuit. La population s'était déjà endormie et on a entendu les coups de feu qui ont été tirés en cet endroit. Est-ce qu'il y avait cette intolérance politique qui s'observait dans cette commune dont vous étiez le premier responsable? Vraiment, je ne dirais pas qu'il y avait d'intolérance politique parce qu'il n'y avait pas de gens qui se chamaillaient entre les partis politiques, sauf seulement les camps des armes qu'on a attrapés. Récemment, sur la colline de Mokonkou, on a attrapé des grenades, on a attrapé aussi une grenade sur la colline de Matara et des tenues policières. On a attrapé aussi deux fusils entre la colline de Matara, Mousséni et la colline de Niabiraba, où ces trois communes se rencontrent. On a attrapé ces deux fusils avec des cartouches et des chargeurs garnis. Et aussi, il y a ce qu'on entend de personnes de passant la nuit avec des armes. C'est une thématique cela. Mais entre les parties politiques, vraiment, il n'y avait pas de tension. En tant qu'administrateur, je remercie le CNL premièrement, puisqu'il n'y a pas eu de dégâts humains, même s'il y a eu de dégâts matériels sur cette permanence. Et le message que je lance à la population, c'est un message de pour que la population, quand même, puisse rester tranquille. Entre les partis politiques, ils doivent cohabiter dans leurs différences politiques, dans leurs différences d'opinion. Les gens doivent cohabiter. Les gens doivent comprendre que leurs différences ne peuvent pas être à l'origine du malentendu, mais que plutôt ça devait être un couronnement, que ça devait être un bénéfice pour eux, ça devait être bénéfique. Et aussi qu'ils puissent attendre le moment venu des élections de 2020 où la population va juger et donner la place à chacun qui mérite. C'était Ferdinand Simbananiye, administrateur de la commune Niabiraba, l'inauguration donc de cette permanence. Je précise que c'est une permanence provinciale qui est érigée en commune Niabiraba. Donc cette inauguration de la permanence provinciale du parti CNL qui devait avoir lieu à 15h ce dimanche a été suspendue par cet administrateur. Le président de ce parti le Congrès national pour la liberté, Agathon Rwasa, qui s'est rendu sur les lieux cet après-midi, réclame justice. Il demande à tous les administrateurs des communes sur tout le territoire national de respecter le prescrit de l'ordonnance ministérielle sur les partis politiques autorisant les activités des partis. Précisons qu'Agathon Rwasa était de retour de la province Mwaro où il venait d'inaugurer également une permanence de son parti sans aucun incident. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme déplore la persistance de certaines pratiques mettant en cause le droit des enfants au Burundi. Dans une déclaration rendue publique ce 16 juin, à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, Anatole Bachanamo, le secrétaire exécutif, note les châtiments corporels infligés aux enfants alors que d'autres restent en situation de mendicité. Pour cela, la CNIDH demande au gouvernement d'adopter un code de protection de l'enfant. Suivez-le. Cette célébration de la journée de l'enfant africain constitue pour chacun d'entre nous une opportunité certaine pour exprimer sa préoccupation à la persistance de certaines pratiques néfastes mettant en cause les droits de l'enfant, tels que le travail précoce des enfants, le mariage avant l'âge légal, le châtiment corporel pratiqué encore dans certaines écoles et par certains parents, l'exploitation des enfants dans la mendicité et pour des fins sexuelles, la cybercriminalité ainsi que la traite des enfants. La CNIDH profite de cette occasion pour féliciter l'État du Burundi pour tous les efforts consentis visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant au Burundi, notamment la consolidation du cadre législatif national, le maintien jusqu'à présent des mesures de gratuité de soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les mères qui accouchent, l'adoption de la politique nationale de protection de l'enfance 2019-2020, la mise sur pied du Forum national des enfants du Burundi en initiant la campagne nationale de lutte contre la négligence à l'égard des enfants et celle en rapport avec la lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue. La CNIDH profite également de cette occasion pour féliciter et encourager les acteurs de la société civile et ceux des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de l'enfance au Burundi pour les rapports combien louables ayant fait avancer les droits de l'enfant au Burundi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demande à tous ses partenaires, parents et enseignants de fournir davantage des efforts visant à avancer les droits de l'enfant au Burundi, car nos enfants sont les futurs dirigeants de nos sociétés. À cette occasion, la CNIDH plaide aussi pour l'adoption du code de protection de l'enfant qui, une fois adopté, constituerait un véritable outil de promotion et de protection des droits de l'enfant au Burundi. Sachez que cette journée mondiale de l'enfant africain est commémorée en mémoire du massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Santé à présent, aucun malade du virus Ebola n'est encore enregistré au Burundi. Cela est confirmé par le ministre de la Santé ce vendredi dans une conférence de presse. Le ministre Tadei Ndikumana demande à la population burundaise de ne plus propager des rumeurs sur la maladie d'Ebola sans que le ministère en charge de la santé ne le déclare. Plus de détails avec Ornella Mucho. Lors de cette conférence de presse, le ministre de la Santé, Tadei Ndikumana, indique que sur plus de 8 millions de personnes dépistées sur les frontières, 22 avaient certains symptômes d'Ebola. Mais il finit par tranquilliser qu'aucun de ces cas suspectés n'avait pas d'Ebola. Il fait savoir que de nouveaux autres appareils seront bientôt disponibles sur différents sites. Burundi se prépare à prévenir cette épidémie. En plus de cela, nous avons déjà, comme je vous l'ai signalé, 4 ambulances qui sont postées dans les sites où nous voyons qu'il y a un afflux majeur de la population en provenance de la RDC, notamment à Gatumba, à Ruhwa et bientôt à Rumonge et à l'aéroport de Bujumbura. Et ces ambulances sont là pour, dès qu'on identifie un cas suspect, c'est-à-dire quelqu'un qui entre au Burundi avec une fièvre, il est mis dans l'ambulance, dans un endroit sécurisé pour faire les investigations, comme je vous l'ai signalé. Il indique également qu'il y a des médecins formés pour traiter le virus d'Ebola, mais il appelle toutefois à toute la population burundaise à toujours respecter les mesures d'hygiène. Tranquille la population, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, notamment la formation des prestataires qui travaillent sur les frontières et plus de 962 prestataires ont été formés pour savoir comment se prévenir contre Ebola, mais au cas échéant aussi comment prendre en charge un cas avéré réel d'Ebola. Tade Ndikumana, le ministre de la Santé, a fait savoir également que son ministère envisage de disponibiliser 10 000 vaccins pour prévenir en premier lieu les médecins qui sont sur les frontières. Ornella Mucho, le ministre Tade Ndikumana, qui s'est également exprimé sur la situation du paludisme et il a déclaré qu'ils vont collaborer avec le ministère de l'Environnement pour lutter contre l'utilisation des moustiquaires par les agriculteurs lors de la récolte, en expliquant que le ministère de l'Environnement compte donner aussi des insecticides afin que les agriculteurs n'utilisent plus des moustiquaires. Suivez-le, il est traduit par Emery Charles Niongou. Mumyonga yose urano mucere mucere nawo uba hantu amazi atega amazi amaze gutega nkacyubura nabo bushuhe byiyongereye umubu naho bagiye. Dans toutes les vallées il y a du riz et dans ces vallées l'eau stagne et c'est par là que les moustiques se multiplient et avec cette chaleur c'est plus facile que ces moustiques se multiplient. Mais ce que le ministère fait est que le malade soit traité facilement parce qu'il y a des cliniques mobiles un peu partout à l'intérieur du pays. Il y a également des médecins qualifiés et encore des médicaments efficaces qui sont donnés gratuitement à ces patients. Je dis des médicaments efficaces parce qu'il y a des études déjà faites qui le prouvent. On a déjà remarqué qu'après la moisson, il y a des gens qui utilisent nos moustiquaires pour d'autres fins. J'appelle à ces cultivateurs à prendre soin de ces moustiquaires parce qu'au moment de la récolte, ils préfèrent protéger leur récolte contre les insectes que d'abord se protéger eux-mêmes contre ces moustiques. C'est pour cela qu'on s'est mis ensemble avec le ministère de l'Environnement pour trouver solution. On envisage donc des insecticides afin que ces moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action puissent être utilisés convenablement. Barakoranye na mugenzi wanje yaje buri mu n'ubworozi bariko barazana imiti ikingira ibyo bitego igakingira n'uwo mwimbu kugira wa musegetera ukuri cyo bagenewe. Le ministre de la Santé, Tade Ndikumana, traduit par Emery Richard Niyonkuru. Nouvelle des provinces, les habitants de la commune Moutan en province Gitega se réjouissent du rythme de développement de leur commune. Ils donnent l'exemple de certaines infrastructures comme le pavage des routes et l'électrification de certaines zones. L'administrateur de cette commune parle de la contribution des natifs dans ce développement. Il ajoute que même les recettes communales ont augmenté et que consécutivement le budget annuel de la commune a augmenté. Passant de 120 millions en 2014 à 170 millions de francs burundais actuellement. Gérard Nivikira. Les habitants de la commune Mutaho qui se disent satisfaits du rythme actuel de développement de leur commune se basent sur l'apparition de nouvelles infrastructures chez eux et dont les travaux de construction vont bientôt toucher à leur fin, du moins pour la plupart. Et là, c'est notamment une station-service et une agence de la banque commerciale du Burundi Bankobu, 2 kilomètres de rue pavée au chef-lieu de la commune, devant certains bâtiments communaux et au marché de Mutaho. Ils évoquent aussi l'eau et l'électricité dont l'extension a déjà atteint plusieurs coins de la commune tout en déplorant la carence des compteurs d'eau courant. Il parle aussi de la route bitumée Ngozi-Gitega qui passe au chef-lieu de la commune Mutaho, d'intérêt de jeu en cours de construction et de 3 motels fonctionnels. À propos, l'administrateur de la commune Mutaho, Deninio Muhani, déclare que les natifs ont une part énorme dans le développement de cette commune vu leurs investissements dans des activités de développement, sans oublier la contribution des partenaires de développement variés. Il souligne également que le marché moderne de Mutaho est un facteur de développement et que depuis un certain temps, ces jours d'ouverture ont passé de 2 à 3 jours par semaine. Deninio Muhani précise que suite à la diversification des activités génératrices de revenus et à son marché, des recettes communales ont augmenté, rehaussant ainsi le budget annuel de la commune qui a passé de 120 millions de nos francs en 2014 et à 170 millions aujourd'hui. Toutefois, il mentionne qu'il reste beaucoup à faire en matière d'école, de centres de santé et de développement de la population, d'où les 500 millions de francs que l'État offre aux communes seront essentiellement utilisés pour financer les coopératives populaires. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard. Et l'Université du Burundi occupe la première place au terme d'une compétition nationale d'athlétisme interuniversitaire qui se tenait ce week-end à Ngozi. Toutes les 3 coupes prévues à cette occasion sont rentrées dans cette institution universitaire publique. D'autres précisions avec notre correspondant Apollinaire Muzakara. La coupe chez les filles et même chez les garçons a été raflée par l'Université du Burundi pour le classement général. C'est-à-dire en totalisant les points obtenus par les filles et garçons, la même université publique a remporté la coupe. Les trois prévus sont donc revenus à la seule institution universitaire. La seconde place a été occupée par l'Institut supérieur des cadres militaires, ISCAM en sigle. Gaspard Banyangimbona, à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a organisé cette compétition, salue la façon dont elle se déroule. Il a néanmoins mis en garde les universités qui ne participent pas à de tels championnats de détection des talents des jeunes. Seules 17 universités ont répondu présentes à cette compétition qui s'est déroulée en Ngozi sur 42 que compte le Burundi. Les meilleurs compétiteurs burundais croiseront le fer à d'autres universitaires des pays africains, prochainement en Ouganda. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Et en actualité africaine, cela fait 4 mois que les Algériens manifestent et cela fait aussi des semaines que des organisations de la société civile tentent de discuter ensemble des propositions de sortie de crise. Une centaine d'organisations étaient réunies donc ce samedi 15 juin à Alger. Elles ont adopté une déclaration commune et ont appelé à une transition politique de 6 mois à 1 an, ainsi qu'à la nomination d'une commission indépendante pour organiser les élections. Mais certains expriment déjà des réserves. C'est une initiative inédite en raison de la diversité des idéologies représentées selon les observateurs. Une centaine de personnes sont autour de la table. Dans le document commun, les participants ont listé des préalables nécessaires à la transition, dont le respect des libertés individuelles, mais l'expression « égalité homme-femme » a coincé et n'est pas mentionnée. Certains participants s'inquiètent de l'emprise des organisations les plus conservatrices sur les propositions de transition. Et la prochaine étape pour ces organisations dans la société civile, ce sera une rencontre prévue avec les partis d'opposition. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Une très bonne soirée. Au revoir.